Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Les tartes claquent. Les lumières s'éteignent. C'est backstage. Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui au programme, on va vous parler d'un grand, grand, mais alors là, très très grand groupe. On va vous passer comme d'habitude, la première chanson, et puis après on va vous annoncer, si vous n'avez pas reconnu ce groupe, ben, de quel groupe on va parler, de quel album on va parler aussi. Tout d'abord, je tiens aussi à m'excuser pour les deux semaines où il n'y a pas eu backstage. Ben voilà, des aléas de la vie étaient présents dans ces deux mercredis-là. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite après le premier titre. Je ne vais pas l'annoncer fatalement, vu que c'est la petite devinette du jour. Je la désannoncerai par après et on commencera dans le vif du sujet. Restez bien branchés sur RQC 95 FM. Voilà, c'est parti les amis. You made me Alors voilà, je ne sais pas si vous avez reconnu ce grand, mais très grand groupe anglais. Eh ben, il s'agit tout simplement des pierres qui roulent, là, les Rolling Stones. Et là, c'était donc le titre Love is Strange. Et on va vous parler de l'album Voodoo Lounge, sorti en 1994 des Rolling Stones. Donc voilà, très, très grand groupe britannique. Je vous ai dit un grand groupe. Voilà, j'ai pas menti. Alors, pays d'origine, fatalement, c'est le Royaume-Uni. Ils sont considérés dans le classement blues, rock, rock'n'roll, psyché, rhythm and blues, blues et pop-rock. Année d'activité, ben, ils sont là depuis 1962, nos dinosaures des Rolling Stones. Et ils sont sur le label Decca Records EMI Virgin. Le site officiel, ben, si vous voulez, ben, c'est www.rollingstone.com. Composition du groupe, bah, là c'est du Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ron Wood. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Rolling Stone est un groupe de rock britannique originaire de Londres, en Angleterre. Il est formé en 1962 avec le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. Le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts les rejoint ensuite et complètent la formation originale. Ian Stewart est écarté de la formation officielle par le manager du groupe Andrew Luge Holman dès mai 1963, mais continue de travailler comme road manager, donc roadies, hein, et comme pianiste avec le groupe jusqu'à son décès en 1985. Jagger et Richards constituent rapidement un duo d'auteurs-compositeurs et prennent peu à peu la direction du groupe en lieu et place de Brian Jones, de plus en plus erratique. Le nom du groupe vient d'une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone, choisie par Brian. Le blues a toujours été la source d'inspiration principale des Stones, qui ont été l'un des principaux acteurs du retour de cette musique sur le devant de la scène à travers le Brits Blues Boom. Le premier enregistrement des Rolling Stones sont des reprises de blues et de rhythm and blues américaines. Après avoir rencontré le succès au Royaume-Uni, ils deviennent populaires aux États-Unis, la Brits Invasion, comme on dit, intitulée par les Beatles. Au milieu des années 1960, leur single de 1965, que tout le monde connaît fatalement, hein, I Can Get No Satisfaction, fait connaître les Stones dans le monde entier. À partir de 1966 et de l'album Aftermath, les chansons de Jagger et de Richards, embellies par les expérimentations instrumentales de Brian Jones, développent une diversité stylistique qui restera présente jusqu'à nos jours. Jones meurt noyé dans sa piscine en juillet 1969. Peu de temps après sa mise à pied du groupe, il est remplacé par Mick Taylor, qui participe aux tournées et à l'enregistrement de 5 albums studio. Avant de quitter les Stones en 1974, l'ancien guitariste des Faith, Ronnie Wood, prend sa place et la conserve depuis lors. Bill Wyman quitte à son tour le groupe en 1993. Le bassiste Daryl Jones rejoint alors le groupe sans en devenir un membre officiel. Les Rolling Stones ont publié 23 albums studio au Royaume-Uni, 25 aux États-Unis, 32 compilations et 8 albums live et 9 aux États-Unis. En 2012, le groupe a vendu plus de 400 millions d'albums dans le monde. En 1971, Stick Finger commence une série de 8 albums studio consécutifs qui atteint la première place des hit parades des deux côtés de l'Atlantique. Leur dernier disque original, A Bigger Bang, qui est sorti en 2005, en 2016 est sorti le 23e album studio du groupe Blues and Lonesome, qui reprend des standards de blues. Le groupe est le deuxième à avoir eu le plus de succès dans les Billboard Hot 100, la référence des ventes de singles aux États-Unis. Les Stones ont été classés numéro 4 dans la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps du magazine Rolling Stone. Les Rolling Stones sont entrés au Rock Hall of Fame en 1989 et Mick Jagger a été anobli par la reine d'Angleterre en 2012. Leur image de mauvais garçon rebelle véhiculée dans les années 1960 est une référence majeure pour la génération des musiciens rock qui les ont suivis après plus de 50 ans de carrière. Les Stones sont tous septuagénaires, continuent à se produire sur scène et avec un succès dans le monde entier et ne manifestent aucune intention de mettre un terme à leur existence au groupe. Voilà, on va s'écouter le deuxième extrait des Rolling Stones, donc l'album Voodoo Lounge. On va s'écouter You Got Me Rocking. Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Voilà, donc c'était le deuxième extrait, hein. Et c'était You Got Me Rocking, du très très bon rock'n'roll, comme les Stones ont l'habitude de nous prendre, hein, comme ça. Alors, On va un peu vous parler de la création du groupe. En octobre 1960, Mick Jagger et Keith Richards, deux amis d'enfance ayant fréquenté la même école depuis leur maternelle, mais s'étaient un peu perdus de vue, se retrouvent par hasard sur le quai d'une gare à Dartford. Mick est avec lui des disques de blues de Chuck Berry's et le best-of de Muddy Waters, ce qui incite Keith Richards à venir parler à Mick. Et Keith ont ainsi un ami en commun. Et oui, c'est Dick Taylor, un guitariste qui joue avec Mick dans un groupe Little Boys Blues in the Blues Boys et qui a étudié dans l'école de Keith le Side Cup Art. Mick invite Keith à le rejoindre dans son groupe tout juste naissant qui s'appelle Little Boys Blues and the Blues Boys. Le groupe n'a cependant que le nom, puisque le seul public de leur courte carrière ne constituera que la mère de Dick Taylor, qui autorise le groupe à répéter chez elle. Brian Jones, après avoir rencontré Alexis Cormer, l'un des pionniers du blues britannique, lors d'un concert à Cheltenham, décide de déménager à Londres avec Pat Andrew, la mère de son enfant. Soucieux de montrer son propre groupe, il passe une petite annonce dans Jazz News fin 1961. Il pense appeler son groupe les Rolling Stones, d'après le titre de Muddy Waters. Brian Jones donne rendez-vous en postulant au pub Bakerware Arms sur la Berwick Street. Le pianiste Ian Stewart répond à l'annonce et lui présente d'autres musiciens dont le chanteur Andy Rowan et le guitariste Gough Branford. Peu à peu, la première monture des Rolling Stones se forme avec Brian Jones et Gough Branford aux guitares. Ian Stewart au piano, Paul Pond qui officie sur le nom de P.P. Jones au chant. Le poste de batteur est fluctuant. Plusieurs batteurs payés au concert se succèdent, dont Charlie Waite et Mick Avory, futur Kinks. En avril 1962, le Blues Incorporated, groupe monté par Alexis Cormer, est ouvert à de nombreux musiciens, joue ses premiers concerts. Parmi les musiciens qui montent sur scène, Jack Bruce, Ginger Baker, Charlie White et aussi le groupe formé par Brian Jones. Ce dernier, qui se produit sous le nom de Elmott Lewis, impressionne le public en jouant de la guitare slide, à l'époque inconnue en Angleterre. Mick Jagger, Keith Richards et Dick Taylor rejoignent le Blues Incorporated, mais tendant à s'éloigner du rhythm and blues pur et dur pour jouer du rock'n'roll, notamment du Chuck Berry et du Jimmy Reed. Brian Jones rencontre pour la première fois Mick Jagger, Keith Richards et Dick Taylor le 2 avril 1962 au Early Jazz Club. Paul Pond, cependant, ne souhaite pas vraiment être le chanteur de ce qui sera les Rolling Stones. Il quitte le groupe. Alexis Cormer suggère à Brian Jones le chanteur Mick Jagger qui a fait sa place dans le Blues Incorporated. Ce dernier impose alors son ami Keith Richards ainsi que Dick Taylor. Gough Branford quitte le groupe et Ian Stewart, Brian Jones et Mick Jagger, Keith Richards et Dick Taylor forment l'ossature du groupe qui prendra en juin le nom de Rolling Stones. Avant de s'appeler les Rolling Stones, selon Keith Richards, c'est Brian Jones qui trouve le nom du groupe alors qu'il est au téléphone en train de prospecter pour trouver des engagements pour des concerts. Alors qu'on lui demande le nom de son groupe, il cite le premier nom qu'il a sous les yeux, le titre d'un morceau de Muddy Waters, Rolling Stone. Néanmoins, il semblerait que cette anecdote ne soit qu'une légende, puisque d'après Ian Stewart, dès sa première rencontre avec Brian Jones, à la suite de l'annonce dans Jazz News, Brian Jones avait déjà décidé de nommer son futur groupe Rolling Stone avec une apostrophe. On continuera après. On va s'écouter un troisième extrait. Spark Will Fly, donc des Rolling Stones. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Spark Will Fly des Rolling Stones, extrait de l'album Voodoo Lounge, sorti en 1994. C'est le backstage de ce mercredi, les amis. Alors, Mick Cates et Brian emménagent au 102 Edith Grove dans le quartier de Chelsea. C'est une période de vache maigre avec des difficultés pour se nourrir et se chauffer. Ils vivent de chapardage et de maigres cachets obtenus par quelques petits concerts. C'est à cette période que Philip Townsend prend les photos qui circulent à travers les plus grandes galeries du monde, comme les toutes premières des Stones. Ils habitent 6 mois en colocation avec James Filge, nom qui servira de base au pseudonyme Necker Filge, utilisé par les Stones à leur début pour certains de leurs titres. Néanmoins, cette période est musicalement faste pour Brian et Cates, qui passent de longues journées à travailler leur jeu de guitare. Le premier concert des Stones se passe au Marquis à Londres, le 12 juillet exactement 1962. Le groupe est alors composé de Brian, Mike, Cates, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avory à la batterie. Ce soir-là, les Rolling Stones jouent comme intervalle band juste une demi-heure, le temps que le groupe principal se repose. Ils interprètent The Smile Boom, Bright Light, Big City, Write Them Down, Bad Boys, Back in the USA et Down the Road a Pace. Ce soir-là, Cates lancera à Brian cette phrase tristement célèbre: tu n'arriveras pas à 30 ans, pas vrai ? Il ne s'est pas trompé, malheureusement. Taylor partira ensuite former le Pretty Thing. Le poste de batteur est toujours aléatoire, oscillant entre Tony Chapman et Mick Avory. Les Stones cherchent un bassiste en décembre 1962. Tony Chapman leur présente Bill Wyman au Red Lion Club, qui leur plaît immédiatement, pour peut-être grâce à son ampli d'Henri Rare à l'époque, mais aussi grâce à sa capacité. Il est plus âgé de 7 ans que Mike et Cates. Il joue déjà depuis de nombreuses années dans son groupe les Cliftons avec Tony Chapman. Tout en étant amateur, le batteur des Stones étant trop instable, Charlie White, qui connaissait bien Mick et Brian après avoir joué avec eux, se joindra à eux définitivement en janvier 1963, laissant sa place au sein des Blues Incorporated à Ginger Breaker. Le 14 janvier 1963, les Rolling Stones jouent leur premier concert avec la formation qui persistera jusqu'à l'exclusion de Brian Jones, Mick Jagger au chant, Keith Richards et Brian Jones aux guitares et Bill Wyman à la basse, Charlie Waite à la batterie et Ian Stewart au piano, qui quittera le groupe quelques mois plus tard sous l'impulsion d'Andrew Lodge Oldman. Le 11 mars 1963, ils enregistrent une démo à l'ABC Studio de Portland Place à Londres, avec comme ingénieur du son le futur mythique Glyn Johns, composé de reprises de Rhythm'n Blues. Le 21 avril 1963, les Beatles rencontrent pour la première fois les Rolling Stones au Club Station Hotel Richmond Club, où les Stones jouaient le soir même. La première photo officielle du groupe en concert, prise par Denzo Hoffman, date du 4 mai 1963. Mick, Charlie, Brian, Bill et Cates, seuls visibles, participent à un gala de bienfaisance organisé pour le journal New of the World à Battersea. Les Stones joueront régulièrement au Early Club, puis au Crandady Club qui vient d'ouvrir Giorgio Gomolski. De quelques dizaines de spectateurs, l'audience passe rapidement à plusieurs centaines, dépassant la capacité de la salle. Et ben nous, on va s'écouter le quatrième extrait qui s'appelle The Worst. I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, including this heart that is true, and never ever let you down. Stick with me. Trust me too much, you see. Take all the pain, it's yours anyway. Get out. First, I am the worst kind of guy for you to be around. RQC. Je danse et je brille. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De cette lieu, petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Backstage, les coulisses du son. Voilà, donc juste à l'instant, c'était le titre The Wrath des Rolling Stones. Et bien entendu, un petit indicatif hein, pour bien vous montrer que vous êtes bien sur la meilleure des radios, RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Donc voilà, encore une petite demi-heure à passer ensemble, ça passe très très très vite. Alors on continue, c'est aujourd'hui le Backstage consacré aux Rolling Stones, les pires qui roulent, hein, avec l'album Voodoo Lounge, sorti en 1994. Alors on va parler un petit peu de leur premier succès. Ben, en 1964, hein, les Beatles viennent de sortir leur premier single, Love Me Do. Andrew Lounge Oldman, jeune publicitaire de 19 ans, qui a déjà travaillé avec Brian Epstein, Bob Dylan et Little Richard, associé au manager Eric Stone, ne rêve que d'une rencontre et manager ses Beatles. Donc, dans son parcours des clubs de Londres, il entre un jour au Crown Daddy sur le conseil de Peter P.D. Jones, journaliste qui avait chroniqué les Stones après les avoir vus au Crown Daddy Club, et voit les Stones, c'est la révélation. Il sera leur manager et signe avec eux un contrat de management dès le lendemain, le 29 avril 1963. Avec leur nouveau manager, leur carrière décolle en 1963. La maison de disques Decca et son directeur artistique Dick Rowe, célèbre pour avoir refusé les Beatles, leur fait enregistrer leur premier single le 10 mai 1963 avec en face A une reprise de Chuck Berry, Come On, et en face B I Want to Be Loved de Will Dixon. Willie Dixon, pardon. Ce premier disque leur permet d'entrer directement dans les charts britanniques et de se faire remarquer par la presse pour des raisons de look. Ian Stewart est soustrait de la formation officielle par Andrew Luge Holman en mai 1963, mais indispensable, et il est souvent appelé Stu, le sixième Stone. Il continue à travailler avec le groupe dont il est l'un des fondateurs comme claviériste et comme road manager après avoir été le chauffeur attitré. Très apprécié jusqu'en son décès en 1985, Keats affirme qu'il fut véritablement le lien du groupe. Et Mick résume aussi cette collaboration en déclarant « Stu fut le gars que nous offrions de satisfaire ». Un deuxième single sort en novembre avec « En face A », le titre composé par John Lennon et Paul McCartney, « I Wanna Be Your Man » et « En face B », un instrumental qui s'appelle « Stoned ». Ils font leurs premières apparitions télévisées dans l'émission Thank You Lucky Star de Pete Murray. Leur look, pourtant si conventionnel de nos jours, paraît outrancier. Leurs cheveux longs qui recouvraient jusque les oreilles font scandale. Ce look original et leurs attitudes parfois méprisantes donnant des idées à Andrew Luge Holman afin de se démarquer des Beatles apparus un peu plus tôt et dont la popularité est exceptionnelle. Le jeune manager des Stones leur crée une image de mauvais garçon en opposition aux allures et de gentils gendres des Fab Four Jagger, et sa bande cultive leur différendre refusant très rapidement le costume cravate insistant sur les chevelures et défrayant les chroniques par leurs frasques. Néanmoins, celui à qui a surtout visé sur le côté mauvais garçon n'est ni Mick Jagger ni Brian Jones, mais Bill Wyman, qui du groupe est celui qui possède les cheveux les plus longs et qui a toujours une mine refroidie. C'est aussi lui qui est à l'origine de la première des nombreuses frasques du groupe. Il est condamné pour avoir uriné sur le mur d'une station-service. C'est à cette époque que Brian Jones commence à manquer quelques concerts pour des raisons de santé, à ses pertes de ses conquêtes féminines et leurs conséquences. Il a déjà deux enfants, sa position de leader du groupe est de plus en plus contestée depuis l'arrivée de Holman. Lors d'un concert à Liverpool, les Stones découvrent que Brian Jones reçoit un salaire supplémentaire en qualité de leader du groupe. Cette révélation est le début d'une fissure qui se crée entre Jones et le reste du groupe et qui aboutira au terme conjointement avec son harassement physique et mental et son exclusion en 1969, en juin d'ailleurs. Leur carrière prend un tournant définitif. Leurs concerts deviennent quotidiens. Bill Wyman et Charlie White quittent leur emploi pour intégrer les Stones à plein temps. Mick Jagger laisse tomber ses études. L'appartement à Edith Grove abandonné. Keats, Mick et Andrew habitent ensemble dans un nouveau logement et va débuter une nouvelle collaboration. Andrew oblige Mick et Keats à travailler ensemble à l'image de McCartney et Lennon sur l'écriture des chansons. En novembre 1963, à Mercury Road, Holman oblige Keats et Mick à composer une chanson au matin. Au matin, ils interprètent « I Should Be You », leur première composition en commun. Cette volonté de dicter par le fait qu'il était difficile pour les Rolling Stones de trouver quelque chose de neuf à jouer. Holman a même sollicité les Beatles pour leur écrire « I Wanna Be Your Man ». Et parce que, comme beaucoup de chansons de leur répertoire étaient jouées par d'autres groupes anglais, dont les Beatles. Ce qui n'aidait pas à se démarquer des autres groupes. La légende veut que Andrew ait affirmé Mick et Keats dans une cuisine, Keats et Mick dans une cuisine, et leur interdisant de sortir tant qu'ils n'auraient pas écrit une chanson. D'après la légende, ils auraient soumis As Time Go By, que le manager renomme immédiatement As Tear Go By. Goodbye, et fera enregistrer par la jeune chanteuse anglaise Marianne Faithfull. Il semblerait cependant que le premier morceau ait été sorti de cette cuisine, soit I Shall Be You, qui sera enregistré une première fois par George Bean, un chanteur de la maison de production Dolman. Le groupe sort un nouvel EP au Royaume-Uni intitulé 5x5 en août, puis en octobre le second album American 12x4X contenant un contenu de l'EP anglais et de la nouvelle chanson et du single. Voilà, là c'était pour vous parler un petit peu de leur envolée, hein, comment est-ce qu'ils composaient. Et là on va s'écouter New Face de Voodoo Lounge de 1994, donc des Rolling Stones. Le backstage est consacré à cet album que je vous parlerai de un peu après. Voilà, c'est parti. There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. And his skin is so fair, and it shines like his hair, as he stands so aloof, with an indolent air and an insolent stare that just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it already too late? Knocks you down cold as you lose all control to the slip of a youth. I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell? Is paying the devil his due. Voilà, donc c'était New Face, cinquième extrait des Rolling Stones. Alors bon, il y a, vous savez, il y avait de gros groupes anglais à l'époque. Ils sont toujours grands groupes, même s'il y en a un qui n'existe plus. C'était les Beatles et les Rolling Stones. Eh ben, il y avait une rivalité avec les Beatles. L'opposition de style entre les Beatles et les Rolling Stones est le résultat d'un marketing de différence savamment orchestré par Andrew Lund-Holman. Le parcours musical des deux groupes est assez parallèle, influence commune de rock'n'roll et de rhythm and blues, même si ce dernier est plus marqué par les Stones, bien que les médias, les Rolling Stones incarnent les mauvais garçons. Holman n'avait pas hésité à interroger « Laisseriez-vous votre fille sortir avec un Rolling Stone ?» Et les Beatles, les gentils garçons, les membres des deux groupes s'apprécient et se côtoient dans le privé. Les Beatles, John Lennon et Paul McCartney offriront même la chanson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, I Wanna Be Your Man aux Rolling Stones, pour lancer leur carrière en 1964, et feront les chœurs sur la chanson We Love You en 1967. Brian Jones jouera plus tard sur certains titres des Beatles comme Baby, You're a Rich Man et You Know My Name. Mick Jagger et Keith Richards apprécient particulièrement la musique des Beatles. Les deux seront d'ailleurs présents dans les studios de la BBC, accompagnés de Marianne Faithfull, petite amie de Mick Jagger à l'époque, lors de la diffusion live en Mondovision le 25 juin 1967 au fameux All Need You Is Love. Sur la vidéo, on reconnaît Mick Jagger et sa veste bleue ciel avec des motifs marrons psychédéliques. Comme tous les heureux participants, il tape de ses mains en chantant le refrain. Toujours en 1967, le même trio participe au tournage du clip A Day in the Life, où on peut les voir dans ce clip discuter avec John Lennon. Les deux groupes évitaient ainsi de sortir leurs singles et leurs albums en même temps pour ne pas se concurrencer. La frontière entre les Beatles et les Stones était ainsi très tenue, alors que les médias accusaient les Stones de prendre des drogues, les Beatles en prenait aussi. Paul McCartney fut d'ailleurs la première rockstar à dire à la presse qu'ils avaient pris du LSD en 1967. Lors de la descente de la police au Redland, où de la drogue fut trouvée dans le domicile de Keith Richards en 1967, parmi les convicts se trouvait un Beatles, George Harrison, qui ne fut pas inquiété étant parti avant l'arrivée de la police. Donc vous voyez, c'était une rivalité, mais à mon avis, une rivalité. Bon enfant, c'est plutôt comme on ferait maintenant, hein, ça faisait le buzz et c'est ce qu'il fallait. Nous, on va faire le buzz en écoutant Moon Is Up. Et c'est le sixième extrait de cet album Voodoo Lounge que je vais vous parler un petit peu après. Cet extrait. Allez, c'est parti avec Moon Is Up des Rolling Stones. Listen to me. avec la petite guitare slide dans le fond. Movies Up, les Rolling Stones, l'album Voodoo Lounge. Alors, que dire sur cet album ? Ben, tout simplement qu'il est sorti le 11 juillet 1994. Il a été enregistré de septembre au 3 novembre. Et de septembre et 3 novembre et du 11 décembre 93 au 15 janvier et avril est enregistré en plusieurs périodes, donc si vous voulez de septembre au 3 novembre et du 11 décembre 93 au 15 janvier et avril 94, voilà, donc en plusieurs parties ils ont fait ça. Il a été enregistré où? Ben, tout simplement en Irlande. Et la durée de l'album fait 62 minutes 8 secondes plus précisément. Fatalement, il est considéré un peu en rock cet album, même si je le classerais un petit peu aussi un petit peu blues. Hein. Les auteurs-compositeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est du Keith Richards et du Jagger. Et le producteur est de Don Once et de Gimmer Twins. Il est sorti sur l'album Virgin. Et voilà. Alors, c'est le 20e album des Rolling Stones Studio, donc un album studio, hein, sorti en 94, c'est leur premier album après le départ du bassiste Bill Wyman, parti en 93. Il a été remplacé par Daryl Jones. Je vous dirai après les membres du groupe sur cet album. Alors, l'historique de cet album, ben, après la tournée Still Well et l'enregistrement des chansons Eichwirsch et de Sex Drive, pour accompagner le témoignage live Flashpoint sorti en avril 1991, les Rolling Stones se mettent au repos, le temps pour les membres et de se consacrer à leur carrière solo. Le guitariste Keith Richards sort son deuxième album Man Offender le 19 octobre 1992, pendant que le chanteur Mick Jagger sort Redering Spirit le 8 février 1993 et que le bassiste Bill Wyman publie en 1992, Stuff, dont les sessions datent de 1988. Le second guitariste Ron Wood avec Slide on This en 1992 et Slide on Live, Plugged and Starting en 1993, alors que Charlie Watts se met au jazz avec leur album Charlie Watts Quintet from Charlie en 1991 et Tribute to Charlie Parker White String en 1992 aussi. Entre-temps, le 19 novembre 1991, le groupe signe chez Virgin Records un contrat de 44 millions de dollars pour 3 albums. Cependant, le bassiste refuse de le signer car il a décidé d'arrêter la musique pour passer à autre chose, se consacrer à d'autres passions. La séparation est officielle le 6 janvier 1993. Alors l'album est composé de 15 chansons, hein, je vous ai déjà passé les 6 premières. Hein, donc après il y a I Gonna Ride, Brand New Corps, Sweethearts Together, Suck and Jugular, Blinded by the Rainbow, Baby Break in Down, Truth and the Truth, Man Disposition. Alors les membres du groupe pour cet album, eh ben c'est simple, hein, on a Mick Jagger au chant, hein, guitare acoustique et électrique, harmonica et maracas et castagnette. Keith Richards, guitare acoustique, électrique, piano, basse, tambourin, chant et chœur. Ron Wood, guitare acoustique, électrique, guitare, pédale, steel, guitare, slide, donc c'est ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Guitare laps et guitare steel et du cœur, et Charlie White, batterie et la percussion, bien entendu. Ce batteur, il m'a toujours fasciné, quoi. On voit qu'il est pratiquement fatigué de naissance, quoi. Alors, musicien supplémentaire, on a Pierre de Beauport à la guitare, Daryl Jones à la basse, Max de Deca Baca à la basse, Chuck Level piano, Bayon Tech à l'orgue, Ian Neville au cœur, David Campbell arrangement des cordes, Bernard Fowler au cœur, Bobby Womack au cœur, Frankie Gavin à la flûte irlandaise, David Murray au saxophone, Mark Inchman trompette, Flamenco Jamirez à l'accordéon, Lenny Castro à la percussion, Louis Jardmin à la percussion aussi, et Phil Jones. Bobby Womack, c'est bien entendu aussi un très grand chanteur. Je tiens juste à le dire comme ça en passant. Nous, on va s'écouter un autre extrait. On va s'écouter Out of the Tear des Rolling Stones. another thing. I can shout, I can scream, breathe it out, breathe it in. All this love from within. Voilà, l'émission touche malheureusement déjà à sa fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission backstage. Je ne sais pas avec quoi, on verra bien. Voilà, restez bien branchés sur RQC 95 FM tous les jours de la semaine, du soir au matin, du matin au soir et même du week-end. Il n'y a que du bon et du très bon sur RQC 95 FM. Voilà, donc c'était le backstage consacré au Rolling Stone, l'album Voodoo Lounge, sorti en 1994. Et on se quitte avec I Go Wild. Ciao les amis! I'm going wild when you're in my face. heart. Blue tubes in my nose. Blue tubes in my arms. Il y a du monde chez Léon. Du débat.